Oh yeah, The Prodders avec Lonely Days ainsi que John Jones. Deux nouvelles chansons qui se retrouvent sur leur tout nouveau split avec la formation Oi espagnole Rude Pride. Et puis, si vous voulez avoir ce 7 pouces, sachez qu'il sera disponible au show du 8 décembre à Montréal, au Catacombes, avec les bons ariens, les ordures ioniques, les rectums et puis béton armé. Yes, Sylvain Desprawlers m'a confirmé ça, là. Les vinyles seront là. Yes, sir. Bon, puis si vous le saviez pas, la pièce John Jones, c'est une reprise de Rudy Miles. Maintenant, en parlant de John Jones, on va y aller avec la version officielle de Rudy Miles. Après ça, une toune que je voudrais dédier à ma chérie, la belle Isabelle Bernier, avec Sign My Rip et puis These Boots Are Made For Walking. Allez les boots, faut marcher. Yeah! Et après ça, The Metals avec 54, 46 was my number. Yeah! no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? 54-46 was my number de la formation Metals. Et au début du bloc, on avait eu Rudy Myers avec John Jones ainsi que Simon Rip avec These Boots Are Made for Walking. Trois excellentes chansons extraites de la très bonne compilation parue sur Trojan Records il y a pas mal d'années et qui s'appelle Skinhead Jamboree. Vraiment. Si je vous dirais, je pense, la, sinon une des meilleures compilations de skinhead reggae au monde depuis ben des années. Là, on enchaîne avec Noise et une nouveauté de ce groupe qui s'appelle Mass Appetite. Pièce dans le fond qui est un single qui se retrouve sur un 12 pouces single. Ouais, ouais, un 12 pouces. Dans le fond, imaginez un 7 pouces à l'origine avec alentour du vinyle pour qui fait dans le fond qui sont là comme pour faire des trous de balles. Ouais. Puis de l'autre côté, vous avez le symbole de Noise avec le titre de la chanson Mass Appetite. En tout cas, très bonne pièce, vous allez voir ça là. Très bon concept. Donc c'est un genre de picture disc, mais le côté dans le fond avec le dessin et il n'y a pas de toune, puis le côté avec la toune, c'est comme si ça serait un 7 pouces. En tout cas, un très bon concept là. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour la photo pour cette émission là. Ensuite, The Ratchet avec la version du 7 pouces Gotta Be Cool. Yes, de la pièce Gotta Be Cool, ouais. Puis après ça, bien dans le fond, on va y aller avec le B-side de ce disque là, la chanson Rock and Roll. Yes, qui dure quand même 5 minutes. En tout cas, très bon EP pour The Ratchet, là, le EP Gotta Be Cool. Puis, le concept il est vraiment hot là. Les deux côtés du vinyle sont différents. Il y en a un que la chanson Gotta Be Cool, quand vous bougez le disque, vous voyez des nuances de ton de couleur. Puis la même chose pour la pochette aussi là. Selon ce que la lumière arrive sur le disque, la couleur du groupe, en fait la couleur du lettrage change. Ouais, bref, très bon vinyle. Ouais, très bon, c'est pouce. Puis après ça, on continue avec un autre groupe qui est sur Pirate Press Records, tout comme les deux précédents. Soodhead, très bonne formation de mods, avec la chanson I Believe in Love, pièce que vous pouvez retrouver sur leur album compilation que Pirate Press a sorti il y a vraiment pas grand temps, là, qui s'appelle Constant Frantic Motion. En tout cas, cette année, Pirate Press, là, ils en sortent vraiment gros du bon stock, là. Pis le vinyle de Soodhead là est vraiment beau. Gros vinyle orange. Ouais, il joue bien en plus. C'est le fun ça. Hey, let's go! Noise avec Mass Apathy. À Skypunk, émission 731. Yeah! Let's go! I'm gonna run. right. All right. And it was all right. Et tout juste avant cela, on a eu Noise avec Mass Appetite, ainsi que The Ratchets avec Gotta Be Cool, version EP vinyle. Yes. Très bon, c'est pouce. Puis s'enchaînait avec le B-side qui est Rock and Roll. Puis là, on va continuer avec les bons à rien, puis 5 chansons d'eux autres, parce que là, show des bons à rien, il approche, là, c'est le 8 décembre, là, au catacombe, pis c'est sold out depuis un bout, là. En tout cas, Ça va être bon, ça. On y va avec deux extraits d'une bonne vieille compilation qui s'appelle Sauvage Québécois en concert. Fait que ça va commencer avec le tour de live des bons à rien, c'est ça que ça veut dire. Ameutez-vous et puis et maintenant. Ensuite, on va continuer avec deux chansons studio. Les enfants de Duplessis, Progéniture d'ordure et puis Marée Noire. Deux chansons extraits de leur très bon vieil album Advienne que pourri. Sur ce, allez, let's go. Ameutez-vous! Ça, pour la force constabulaire, ça c'est ceux qui vous accueillent, là, circulariser. Ça, pour le débloquer le mental, là, ça donne à rien de lui parler. Faut se servir de ça pour dépomper. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Quand ils font les caves, les estis, ameutez-vous! Qui va bien pour rien. Ton cœur qui va. Marée Noire, t'es bon à rien. Et tout juste avant cela, on a vu quatre autres chansons de cette même formation, c'est-à-dire Amertez-vous ainsi que Et maintenant qui était live. Après ça, on a eu Les Enfants du Duplessis ainsi que Progéniture d'Ordure. Ne manquez pas le show des bons riens, ça sera tout un bon show. Et bien sûr, ils seront là avec The Prowlers, les Ordures Ioniques, les Rectum et Béton Armé. Fait que le seul groupe de petits jeunes dans ce show-là, c'est Béton Armé. Après ça, ouais, les plus vieux, c'est quand même les Rectum. Ouais, Rectum, bon rien, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. Pas mal de même âge, là. Ouais, ouais. Des vieux punks, des vieux métal, là. Ouais. Parce que les Rectum, c'est pas juste des punks, hein, c'est des crossovers, des punk metal. Yeah! Après ça, V8, avec ses Ordures Ioniques. Yes! Ça va être bon, ça. Bon. Est-ce que, manquez pas ça, l'8. Mais, je dis manquez pas ça, mais j'avoue que si vous avez pas votre billet, vous allez le manquer. Mais, en tout cas, ça va être un méchant bon show. Yes! Ouais. Show local qui devient sold out très rapidement. C'est comme dans le temps, ça. C'est le fun dans ce temps-là. Ouais. Bon. OK. Là, on s'en va avec du ska de Noël. Ouais. Commence ça avec John Jordan et sa nouvelle chanson Ho Ho No. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que si vous allez sur le site de John Jordan, là, c'est John, le même John Jordan qui joue dans The Kingpin pis dans Osmosis, là. Ben, il y a aussi son propre groupe que je fais jouer depuis quelques temps, là. Tu sais, lui, il fait tout, là. Parce que sa chanson de Noël, Noël, anti-Noël, si on peut dire, là. Ouais, c'est une chanson qui critique la mentalité capitaliste de Noël. Fait qu'en tout cas, vous allez voir ça. Oh, oh, no. Très bonne pièce. Ça va s'enchaîner avec Judge Dredd, parce que, tu sais, Judge Dredd, hein, c'est un incontournable des pièces de Noël, parce que, tu sais, Judge Dredd, il parle pas toujours juste de son pénis. Des fois, il parle de sujets comme Noël. Ben ouais. Ouais. Christmas in Dreadland. Yes. Après ça, la formation irlandaise Hooligan Dublin. Pourquoi ils ont mis Dublin après leur nom? Ben, c'est parce que, je sais pas, il doit y avoir un autre groupe dans quelque part dans le monde là, qui porte le titre de Hooligan. Fait que les autres, ils ont mis Hooligan entre parenthèses Dublin, on voulait dire qu'ils viennent de Dublin. Comme ben des groupes qui mettent le nom de leur ville après pour être sûr que c'est ben le bon groupe. En tout cas, bref, pour eux autres, on va entendre la chanson Punk Rock Christmas. Ça, ça se retrouve sur la compilation Cashing In On Christmas Volume 5 qui est sorti en 2013. Il y a eu quand même plusieurs volumes de Cashing On Christmas, mais tu sais, la cinquième compile là, était vraiment bonne. Tu sais, c'est gros du oeil justement qui se moquait un peu de Noël. Ouais. Parce que quand il s'en moque pas, c'est des tonnes philosophiques. En tout cas, la compile 5 est toujours préféré à pas mal toutes les autres. Puis ben c'est ça. Donc, allez, John Jordan et puis Ho Ho No. Want to give the very best presents? Give your heart, your time, your presence. Make something with your own hands so everybody understands. The ones who you say they are mine are ones to whom you give your time. Write a book or sing a song. Bake a cake, you can't go wrong. Christmas shopping, ho ho no. To the stores our monies go. Also family and friends will get to unwrap stuff again. Who profits from this tradition that fills me with so much suspicion? I think it's just corporations manipulating expectation. Make your way through snowy streets, you don't need to save receipts. Drop in with a casserole, you won't get a lump of coal. Sit on the floor and play a game, lit by the fireplace's flame. What matters most is togetherness, with who you love it's effortless. Take a break from shopping sprees, grab your snowshoes and your skis, grab your pals and hit the trails, never mind those clearance sales. Time together is what we need, in our words and in our deeds. Time for us to change our ways, and how we spend these holidays. Christmas shopping, ho ho no, to the stores our monies go. Also family and friends, we'll get to unwrap stuff again. profits from this tradition that fills me with so much suspicion. I think it's just corporations manipulating expectations. Something with your own hands, so everybody understands. The ones who you say they are mine, and ones to whom you give your time. Write a book or sing a song, bake a cake, you can't go wrong. Make your way through snowy streets, you don't need to save receipts. Drop in with a casserole, you won't get a lump of coal. Sit on the floor and play a game, lit by a fireplace's flame. What matters most is togetherness, with who you love it's effortless. Christmas shopping, oh ho no, to the stores our monies go. Also family and friends will get to unwrap stuff again. Who profits from this tradition that fills me with so much suspicion? I think it's just corporations manipulating expectations. Oh, it's snowy. It must be Christmas. Snow White and the Dwarfs, they went to a ball. They all ended up feeling happy. Happy didn't mind at all. Red Riding Hood went to Gran's house with her little bag, but all she found when she got there was a wolf in drag. Out here in Dreadland, they say Santa is queer, 'cause he only comes down the chimney, and that is once a year. Oi, get that sleigh out my room. Rudolph the deer's nose is so cold and numb, but not the deer's behind him. It's stuck up Rudolph's bum. Bwah! I'll tell you another thing, if one of them deers put them up there, you'll clean it up. Oh Christ, I forgot deers can fly. Ho ho ho, good shot Rudolph, Merry Christmas friend. I'll give you Merry Christmas, what a way to spend it, eh? No beer, no birds. Still anyway, I hope all you people out there are having a better Christmas than me. Sincerely, Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. Christmas is coming and the goose is getting fat. Please put a penny in the old man's hat. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, Happy New Year to you. Slade is playing on the radio. I'm all dressed up and I've got no place to go. Today's music ain't got no soul. Give me some of that boot boy rock and roll. Now the time has come, I'm gonna have some fun. Christmas time is here, it only happens once a year. It's gonna be a punk rock Christmas. gonna be a pop new year. You know it's gonna be, just you wait and see. Christmas time is here. Merry Christmas, everyone! Get up! Time has come, I'm gonna have some fun. Christmas time is here, it only happens once a year. It's gonna be a punk rock Christmas. It's gonna be a punk new year. You know it's gonna be, just you wait and see. Christmas time is here. It's gonna be a punk rock Christmas. It's Christmas. It's gonna be a punk new year. You know it's gonna be, just you wait and see. Christmas time is here. It's gonna be a punk rock Christmas. Christmas. It's gonna be a punk new year. You know it's gonna be, just you wait and see. Christmas time is here. Ok, alors c'était Hooligan avec la pièce Punk Rock Christmas. Et au début du bloc, on a eu John Jordan avec Ho Ho No. Et puis Judd Dredd avec Christmas in Dreadland. Maintenant, on s'en va avec nos petits anglais de la formation de Barstool Preachers. Pourquoi je dis nos petits anglais? C'est parce que quand ils sont venus jouer avec Street Dogs, ils me traitaient du Big Fellow dans le trash. Pourtant, ils sont quand même pas si petits que ça, eux autres, là. Ouais. En tout cas, bref, The Barstool Preachers, avec leur chanson thème, Barstool Preacher. Très bonne pièce. Yes. Qui est extrait de leur premier album, qui s'appelle... Ça va mieux le lire à l'arrière du disque, parce que c'est mieux écrit. En tout cas, bref, le premier album qui s'appelle Blatant Propaganda. Ouais. Fait que, après ça, on va avoir The Interrupter avec Easy On You, extrait de leur album éponyme, pendant que mon disque tombe à terre. Après ça, The Fireman avec la chanson Ask No Favor, pièce qui se retrouve sur leur plus récent album, sorti sur Pirate Press cette année, et qui s'appelle Look to the Skies. Et après ça, on va avoir The Slackers avec une de leurs bonnes vieilles chansons là. On recule, tabarnouche. On recule de 21 ans. Hein, ouais. Il semble que ça fait pas si longtemps que ça, là, l'album Red Light, mais il est vraiment paru en 97. Ouais. Ça a été une bonne cuvée, ça, quand même, l'année 97 dans le punk puis dans le ska. Donc, ouais, on va entendre, c'est ça, la chanson Marriott Girl. Ouais. Fait que, allez, let's go! The Barstool Preachers avec Barstool Preacher. Askoy Punka! Allez, let's go! If you're right in the eye, hello, preacher, a Barstool preacher, 'cause he's a preacher, a Barstool preacher, and there's no need to feel pity for a man like him in his local boozer. He thinks he's a king, all he wants is a little bit of your time. Sit down and listen to his rather harsh lines, preacher, a Barstool preacher. He's a preacher, a Barstool preacher. He's Claus is crying. Now he's at his best. Yourself free. Great of the British Empire would soon know his name. With each broken bank vault, his reputation grew. Never knew how to bow to the lecherous few. In the tunnels of New York, his voice echoes far. We're speaking for Labour, can land you behind bars. He ran in defiance, the judge can drop dead in his robes. Contempt for the court didn't even come close. Justice! As I drank my bitter beer, what don't you wanna smoke a little marijuana? Take some time and have a drink. And think about what you're gonna do to me. Marry girl, ain't you worried if our love is kinda hurry? That's your feeling for me, Paul. In the time and the door. Baby, when I saw you, I knew I was a gone. And all those things I meant to say, I forgot in our first kiss. We threw your husband in the river, thought it made me kinda shiver. We sent flowers to his brother, all so we could see each other. It lasted for about 3 weeks, and now we don't even speak. And so I'm sitting here alone, and I'm sitting on the phone. Married girl, don't you wanna smoke a little marijuana? Take some time and have a drink, and think about what you're gonna do to me. Married girl, ain't you worried if our love is kinda hungry? That you'll be there wanting more in the time after your man has put up. That you'll be there wanting more in the time after your man has put up. Ok, alors c'était The Slackers avec Marriott Girl. Et tout juste avant ça, on a eu The Barstool Preachers avec Barstool Preacher. Yeah! Et après, c'était The Interrupters avec Easy On You. Puis on a eu plus tard The Follymans avec Ask No Favors. Et maintenant, on s'en va. Anarcho-punk qui mixe avec le ska, avec en vrai anarcho-punk, puis en oeil très engagé. Ouais, ça décrit, je pense, assez bien le prochain bloc. Bref, on commence ça avec Atrocity Solution et puis Picking Up the Pieces, extrait de l'album Lost Remedies. Ensuite, Crass avec Shaved Woman, extrait de l'album Best Before. Et après ça, nous aurons Brigada Florasmagon avec la chanson 15 ans pour tous les jeunes révoltés qui deviennent des punks. Parce que là, ça prend une relève un peu, là, parce que, tu sais, le trash, avec d'approcher une moyenne de 35 ans. Bref, la pièce 15 ans extrait de l'album Rock or Die, très bon album de la Brigada. Allez, let's go! Atrocity Solution avec Picking Up the Pieces à Skypunka, émission 731. Go! Picking up the pieces as we all fall down. Never thought my life would feel so empty after all I've found. These materialistic ways and the money that I crave. It's all surreal, it's all unreal. It's all just one big fucking scam. But I can't help but buy all my happiness. The cost of all this shit leaves me so penniless. It's all a trick that they have set, and you sold your life for it. Another dollar that you'll never get back. Oh, oh, and you never get up. Oh, oh, oh, and you never get up. Oh, oh, and you never get up. Oh, oh, oh. Materialistic ways and the money that I crave. It's all surreal. space. Just sex and sex of useless things your mind cannot sustain. And all this time you find yourself all broken out of change. The bills are piling up and the money is going away. So don't be surprised when all the things that you had planned will start to come apart and look so ill and mundane. The unappealing after effects are closing in quick. It's almost as if the fucking roof is getting out. Materialistic ways and the money that I crave. Just real, don't real. Alors, c'était Brigada Flores Magón et puis la pièce 15 ans. Et au début du bloc, on a eu Atrocity Solution avec Picking Up the Pieces ainsi que Cross avec Shevered Woman. Maintenant, on enchaîne avec Grade 2 et 4 chansons extraites de l'album Break the Routine qui est paru en 2017 sur Contra Record, mais là qui vient dans le fond d'être réédité sur Pirate Press Record en vinyle. Puis on va entendre les chansons. Ben, dans le fond, j'ai dit 4 chansons, mais dans le fond, c'est, on pourrait dire plus 5, mais la première, c'est comme plus un intro, là. La chanson Devil's Dancing Hour qui s'enchaîne avec Pub Watch. Après ça, la pièce Heart of Gold qui sera suivie de la chanson Procrastinator ainsi que la pièce The Life and Tales of Danny Gould. Fait que ça se retrouve sur leur plus récent album de Grade 2, Break the Routine, qui est maintenant réédité sur Pirate Press. Tout comme leur premier album, soit dit en passant, qui était sorti en 2016, là. Ça aussi, il vient d'être réédité sur Pirate Press. Ouais. En tout cas, Pirate Press sont très actifs là, de ces temps-ci. C'est bien, ça. Bon label. On se met en plus. Il envoie gros du stock pour le monde qui font de la musique. Allez, let's go! We'll be right back. small town to the city lights. His name spread around like forest fire. Ladies and gentlemen, please settle down. If you speak in vain, you better pray that you're not found. He was the king of the street, bare knuckle boxer by trade. I'll tell you now, I wouldn't stand in his way. His aura was violent, the girls they stuck around. If you speak in vain, he's gonna hunt you down. Life and Tales of Danny Ghoul de la formation Grade 2, extrait de l'album Break the Routine, tout comme les autres chansons qu'ils ont jouées au début du bloc et qui étaient Devil's Dancing Hours. Ça, c'est l'intro de l'album qui s'enchaînait avec Pub Watch. Après ça, on a eu Heart of Gold ainsi que Procrastinator. Et là, il est rendu le temps de se quitter. Et on se laisse avec trois groupes. Puis, tu sais, leurs chansons aussi. Hein. Mais bref, trois groupes qui seront en spectacle avec les Bon-Ariens et The Prowlers le 8 décembre à Montréal. Fait que, on parle bien sûr des Ordures Ioniques avec Pyromane, pièce qui se retrouve sur leur album Complètement Capoté, qui est un split qu'ils ont fait avec Comptoir Chaos. Après ça, les Rectum avec Né pour être épais, qui se retrouve depuis toujours sur Truck and Roll. Et finalement, Béton Armé avec Première Ligne, pièce qui vient clore leur cassette éponyme, qui était la 18e cassette de LSC Record. Ben, en fait, 18e album de LSC Record. Ouais, parce que t'sais, ils ont fait des 7 pouces quand même aussi, pas juste des cassettes. Là, là c'est rendu home record à cette heure, mais bref, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Ouais. Ça venait clore l'album cassette de Béton Armé qui est éponyme. Là, c'est mieux dit. Ouais. Puis ça, c'est la cassette rouge. Ouais. Moi, la cassette rouge. Bye bye tout le monde! Hey, hey! Put the gun! qui brûle tous les policiers. Tu fais sauter les églises à coup de pompe dans des valises. Avec un fil conducteur, puis un gros détonateur. Tu brûles tous ces profiteurs, tu ne seras jamais dealer. Nous extons tous les richards quand ils démarrent leur gros char. Dans l'armée à feu qui est su à demi ses militaires. Tu calcules une allumette pour tous ces gens qui se croient prophètes. Les fascistes et les nazis sur le bûcher, ils sont péris. Pour tout sucrer l'anarchie, les autorités sont finies. Tu brûles tous ces enculeurs, tu ne seras jamais dit là. Ah!